Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Créhistoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission dans laquelle nous avons parlé de la quatrième partie du Peplum en abordant les productions italiennes s'étalant sur la période allant de 1952 à 1965, nous allons parler aujourd'hui du Peplum musculeux qui s'étale sur la période allant de 1958 à 1964. Ceci sera donc la cinquième partie. Commençons donc tout de suite par parler du génie de Pietro Francisci et Ennio De Concini. Sur une idée d'Ennio De Concini, qui est un scénariste illustre, collaborateur de Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica et King Vidor, le film Les Travaux d'Hercule de Pietro Francisci, au succès international, librement inspiré des argonautiques d'Apollonios de Rhodes, révolutionne le peplum en 1958. En effet, le film relance la mode du peplum musclé et sacre star l'américain Steve Reeves et la yougoslave Silva Cosina. Dans ce film, on peut d'ailleurs noter la présence de Primo Carnera, ancien champion du monde de boxe poids lourd incarnant le géant hanté. Le trio se reforme l'année suivante pour Hercule et la reine de Lydie, auquel participe aussi la française Sylvia Lopez, épouse de Francis Lopez, compositeur de musique français décédé peu après. Érigé en symbole sexuel, Steve Reeves s'illustre aux côtés de Cello Alonso dans La Terreur des Barbares de Carlo Campo Galliani dans le même temps. Si l'acteur culturiste, première vedette de ce type, collectionne les partenaires séduisantes parmi lesquelles nous pouvons citer Mylène de Mongeau dans La Bataille de Marathon ou encore Gianna Maria Canale dans Le Fils de Spartacus, il est aussi abonné au rôle prestigieux enchaînant en 1960 la guerre de Troie, Romulus et Rémus avec son premier rival Gordon Scott en 1961, Les Conquérants héroïques ou La Leggenda di Enea en italien de Giorgio Venturini alias Giorgio Rivalta en 1962, etc. Passons maintenant aux personnages de Tarzan, Goliath et Ulysse. Gordon Scott, ex-Tarzan, s'impose dans le rôle de gladiateur massiste comme le rival d'Hercule dans les films Massiste contre le fantôme de Sergio Corbucci et Giacomo Gentilomo avec Gianna Maria Canale et Jacques Cernas. Le géant à la cour de Kublai Khan de Ricardo Freda avec Yoko Tani et Valérie Inkijnov se passe au XIIIe siècle mais marche aussi sur les plates-bandes de son prédécesseur Steve Reeves dans Hercule contre Moloch de Giorgio Ferroni en 1961, Hercule héros de Babylone ou le prince Nippur dans la version originale de Ciro Marcellini avec Geneviève Grade en 1963 ou encore Hercule et la princesse de Troie à la télévision en 1965. La star incarne aussi Goliath par la grâce des distributeurs américains qui ont rebaptisé ainsi Massiste, héros inconnu aux États-Unis. Il a également interprété Coriolan dans La Terreur des Gladiateurs ou Coriolano, Eroe senza Patria en italien, avec Pierre Cressois et Philippe Hersan, sur un scénario inspiré de Shakespeare et Plutarque, tourné par Giorgio Ferroni, et, dans un registre différent, Jules César face à Cléopâtre, interprété par Pascal Petit dans Cléopâtre, une reine pour César, de Piero Pierotti et Victor Tourjansky en 1962. Le genre connaît une production très importante de 1960 à 1964. Les films avec un budget parfois très limité sont construits autour d'intrigues très simples, dominées par la figure du héros, incarnation du bien et dotée d'une force physique surhumaine. De véritables franchises s'organisent, Hercule, Massiste, Ursus, Samson, Goliath, les gladiateurs, etc. Le fantastique et la fantasy imprègnent de poésie les décors naturels, étranges et la naïveté, assumée des représentations, grâce à une photo souvent recherchée, en tout cas dans le meilleur des cas. Les héros musclés se multiplient au même rythme que les acteurs apparaissent, à commencer par Kirk Morris, nom d'acteur de l'ex-gondolier Adriano Bellini, qui interprète le triomphe de Massiste en 1961, et, avec la britannique Margaret Lee comme partenaire, Samson l'Invincible en 1963, qui est, comme son nom ne l'indique pas, un film de pirates situé aux Antilles. Ces deux films sont signés par Tanyo Boccia, qui travaille avec les meilleurs réalisateurs du genre, Ricardo Freda pour Massiste en Enfer en 1962, où l'au-delà antique est figuré par des grottes près de Bari, ville italienne, et de Rome, et Pietro Francisci pour Hercule, Samson et Ulysse en 1964. Passons maintenant aux vampires et mongols, car oui, dans le peplum, il y avait des vampires et mongols. Une armée de culturistes issus de tout horizon vient combattre ennemis et monstres, mais également séduire légions de belles filles de l'Antiquité. Tous ces héros musculeux marquent le genre par leurs exploits fantaisistes, occasionnels ou répétés. Ces acteurs culturistes sont Roger Brown, Samson Burke, Serge Chaney alias Alan Steele, Mark Forrest, Ed Fury, Brad Harris, où il a retrouvé le chanteur Serge Gainsbourg en tant que méchant dans les films Samson contre Hercule en 1961 et Hercule se déchaîne en 1962, Mike Lane, Reg Lewis, Peter Lupus, alias Rock Stevens, Gordon Mitchell, Reg Park, Joe Robinson ou encore Dan Vadis. Tous ces acteurs ont interprété les rôles soit de Massiste, soit d'Ursus, soit d'Hercule, soit de Samson, soit de Goliath, soit de Thor pour Joe Robinson. En d'autres termes, tous ces culturistes ont interprété des personnages mythiques du péplum. Passons maintenant aux autres voix VOIES. Dès 1963, les variations fantastiques de Jason et les Argonautes de Don Chaffee, dont nous avons parlé dans la chronique sur le cinéma fantastique, ainsi que le fort apport fantastique des Hercules avec Reg Park, ont créé la fantasy au cinéma, ancêtre des futurs Conan le Barbare, Barbarians et autres Kalidor des années 80. Don Chaffee dirigera aussi, 4 ans plus tard, l'arène des Vikings avec Don Murray et Carita, qui se déroule sous l'occupation romaine, film produit par la Hammer et filmé dans le Carnoaille. Dans les Carnoailles, pardon, qui est un comté du Royaume-Uni situé à l'extrémité sud-ouest de l'île de Grande-Bretagne. Mais avec la sortie de Pour une poignée de dollars, réalisé par Sergio Leone avec Clint Eastwood en star, en 1964, le western spaghetti remplace le peplum et le genre, pourtant prolifique, générateur, disparaît brusquement des écrans. Il survit dans des conditions précaires. Ainsi, en 1983, Lou Ferrigno, le tout premier Hulk en date de 1977, endosse la panoplie du roi du peplum musclé dans Hercule de Luigi Cozzi, alias les West Coasts. Les paysages brûlés d'Almeria en Espagne deviennent le cadre habituel des westerns européens, voire américains. S'y déroule également, tout ou en partie, le Roi des Rois de Nicolas Ray, Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz, Saul et David de Marcello Baldi, etc. Le Forum romain dans la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann est reconstitué à Madrid. Le tournage des Vierges de Rome de Vittorio Cotafavi et Carlo Ludovico Bragaglia s'effectue en Belgrade et Cinecittà. Le fils de Spartacus est filmé en Égypte et des ruines romaines situées en Algérie apparaissent dans l'Andor de Sergio Spina. La désaffection, le désintérêt du public et des auteurs envers le péplum touche aussi l'Italie, tant le genre et le pays paraissent une fois de plus liés. Entre 1960 et 1964, le cinéma italien a produit 130 péplums, ce qui constituait un quart de la production totale. De 34 péplums sortis en 1964, qui constitue une année record, le nombre tombe à 14 l'année suivante et a complètement disparu en 1968. Terminons cette chronique par parler des films d'auteurs dans les années 60. Comme Joseph Mankiewicz avec Jules César, le cinéaste grec Michael Kakoyannis explore une veine mineure du péplum en adaptant trois pièces du dramaturge grec Euripide avec pour axe fétiche la tragédienne Irène Pappas. Ces trois pièces que Michael Kakoyannis a adapté son Electre en 1962, Les Troyennes en 1971 et Iphigénie en 1977. Le film Les Troyennes fut doté d'une distribution royale. L'américaine Katharine Hepburn, la britannique Vanessa Redgrave et la canadienne Geneviève Bujold. Le compositeur grec Mikis Theodorakis rythme l'action de ses compositions originales. Si Michael Kakoyannis acquiert une renommée internationale, la fresque antique et amorale du Satyricon de Federico Fellini, sorti en 1969 et inspiré du roman attribué à Pétrone, courtisan condamné à mort par Néron, est l'un des plus grands films du maestro. L'année précédente, Gianluigi Polidoro avait réalisé sa propre version du Satyricon, plus modeste, qui réunissait Tina Aumont, Ugo Tognazzi et Valérie Lagrange. Sous le signe du Scorpion, des frères Taviani, amateurs de péplum ainsi qu'ils l'ont montré dans Good Morning Babylonia, se situant dans un temps indéterminé, se rattachent toutefois difficilement au péplum. Pier Paolo Pasolini, autre grand nom du cinéma italien, qui avait déjà adapté l'Évangile selon saint Matthieu en 1964 avec Enrique Irazoki en Jésus, fit accusé de participer à la propagande communiste, exploite pareillement le péplum, récréant une antiquité crédible à partir de folklore d'Afrique et d'Asie. Médée offre à Maria Callas son seul rôle au cinéma en 1969 et dans Œdipe Roi en 1967 d'après Sophocle sur une bande originale mêlant Mozart et musique traditionnelle de Roumanie et du Japon, Silvana Mangano, ex-Pénélope, interprète Jocaste. En 1968, le britannique Philippe Savy réalise sa version de Œdipe Roi de Sophocle en décor naturel avec le concours de Christopher Plummer, Lily Palmer et Orson Welles. Jerzy Kawalerowicz, compatriote de Henryk Sienkiewicz, donne en 1966 un superbe pharaon d'après le roman de Boleslaw Prus qui relate les affrontements entre Ramsès XIII et les prêtres de sa capitale. Ces films, malgré leur réussite et leur retentissement critique, demeurent des exceptions, presque des exercices de style à la façon du film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, en 1963, qui met en scène Fritz Lang sur le tournage d'un péplum, L'Odyssée, tandis que le producteur du film interprété par Jack Palance est surtout intéressé par la présence de belles actrices en naïade dénudée. C'est ainsi que se termine cette émission sur la cinquième partie sur le péplum. Dans la sixième partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons de trois décennies de purgatoire.